Il y a un lieu de réflexion, puis c'est important que ce lieu, puis une petite flamme qui danse, c'est la liberté qui repousse les ténèbres de la nuit pour exercer sa liberté avec toute la densité que cette obscurité peut avoir sur elle. Puis se dire, ben écoutez, durant même la nuit, on doit réfléchir à cette réalité qui est mondiale. Mais le mouvement, là, souvent, dérape à cause de règlements. Bon, avec moi, lorsque au conseil municipal, ils sont venus réclamer du chauffage, des abris, c'est normal. Lorsqu'il y a des grands événements à Québec, on fournit souvent des tentes, on fournit le service de sécurité, on fournit le nettoyage après, on fournit effectivement des toilettes. Mais dans ce cas-là, est-ce que la ville peut fournir quelque chose? Il faudrait que lors de l'Assemblée générale, qu'on délègue quelques personnes pour négocier peut-être avec la ville. Est-ce que pour la ville, on peut pas avoir un lieu plus restreint, un lieu public qui permettrait la vigile 24 heures par jour, puis peut-être même réduire le nombre? C'est pas besoin d'avoir 200 sur la place 24 heures par jour, mais l'idée, c'est que un homme d'affaires ou n'importe qui dans la société pourrait dire, ben moi je m'inscris, je vais coucher une nuit là, ou je suis sur la place lorsqu'il y a une manifestation. Finalement, vous appelez tout simplement un mouvement citoyen de la part de quiconque voudrait s'y investir. Monsieur Bussière, si vous permettez, vous vous êtes déplacé sur le site d'Occupons Québec. Eh bien, j'ai ma collègue Catherine qui est en ligne présentement. Catherine, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Toi, m'entends-tu? Oui, j'entends bien, Catherine. Merci beaucoup. Alors, M. Bussière, Catherine, tu es en compagnie d'un des membres d'Occupons Québec, un des individus. Oui, je suis avec Pierre Lapointe, qui n'est pas le chanteur, mais qui est un des têtes du mouvement. En fait, il aimerait pas que je l'appelle une des têtes du mouvement, mais il était ici ce matin quand les policiers sont venus démanteler la cuisine. Et il va nous en parler un peu, mais d'abord, Pierre Lapointe, qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Oui. Alors bonjour, j'ai une compagnie de logiciels de gestion. En fait, je suis entrepreneur à mon compte et aujourd'hui j'ai pris une journée de congé pour venir manifester mon soutien pour ce groupe que je considère considère valable. Donc tu étais là ce matin vers 8h30 quand les policiers sont venus? Oui, tout à fait. En fait, j'ai vu la police, les forces qui étaient environ d'un nombre d'une cinquantaine peut-être de policiers qui ont démantelé notre cuisine, qui pour nous représente un symbole d'expression d'une certaine manière. Donc finalement, ils nous ont enlevé la chaleur, ils nous ont enlevé l'électricité, maintenant ils enlèvent la nourriture. Et pourquoi est-ce qu'ils sont partis avec la cuisine? Ils sont partis, ils ont mis ça dans des containers, j'imagine? Ou... Oui, c'est ça. Ils ont démantelé avec peut-être des gens de la construction qui étaient habillés différemment. Et par la suite... OK. Mais je vois qu'ici, vous avez une espèce d'immense tente très, très bien organisée à l'intérieur avec des lits. Ça a l'air très confortable, en fait. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de laisser ça là, mais pas la cuisine? En fait, nous avons reçu hier une sorte de document semblait, selon leur politique, d'une certaine façon, un avis d'éviction, mais pour la cuisine seulement. Alors, ils nous donnaient 24 heures pour l'enlever. Et alors, nous l'avons vidé et nous l'avons mis propre, nettoyé, et nous attendions leur visite. Et nous avons quand même eu certains messages, mais nous les avons laissés agir. Et j'ai aussi Julien ici avec moi qui est là depuis longtemps, j'imagine, dans le mouvement. Et toi, Julien, tu fais quoi dans la vie? Ben, je suis un universitaire dans les arts visuels et médiatiques, là, donc en pause entre deux sessions d'université. Puis toi, comment t'as pris ça, ce qui s'est passé ce matin? Comment tu vois la suite des choses? En fait, c'est sûr que c'est un peu décevant à mettre autant d'efforts à essayer de collaborer, de toujours essayer d'améliorer sous le prétexte de la sécurité. Bon, on se fait enlever de plus en plus nos sources de confort et de trucs qui rendent les choses plus sécuritaires, hein, parce qu'on parle des sources de chaleur, de tout ça, de plus en plus on se sent démuni devant tout ça. C'est un peu un exercice comme s'ils veulent nous avoir un peu à l'usure. Bon, mais disons que c'est ça. Là, on a assisté ce matin, c'était décevant, mais en même temps, moi je dirais que ça a remonté ma motivation à à continuer à occuper ici et on invite bien sûr la population à nous à venir voir ce qui se passe ici, venir nous encourager à défendre notre site, notre lieu, donc un parc public où on veut demeurer ici parce qu'on fait un exercice de démocratie participative. On tient des conférences entre midi et 13h chaque jour pour justement 2 semaines, donc pour donner la chance aux gens qui travaillent entre midi et 13h sur leur heure de dîner qui viennent participer avec nous à ces conférences-là. Et voilà, fait donc c'est un lieu qu'on y tient beaucoup et c'était triste de voir en fait des gens qui viennent détruire quelque chose qu'on a pris 2 jours à construire, toujours dans un souci de d'améliorer nos infrastructures pour les rendre en pratiques dans la mesure où on voulait éviter que notre bouffe soit scrappée par Toi, Pierre, tu voulais rajouter quelque chose? En fait, j'aimerais rajouter quelque chose, tandis que nous avons la parole. Un des points qui est tellement chaud, d'une certaine manière, c'est au niveau du règlement municipal qui, semble-t-il, nous ne respectons pas en ayant des endroits qui sont installés ici sur place de manière permanente. Peut-être est-il vrai qu'il y a une certaine loi là-dessus, mais en fait, le règlement municipal, on n'est pas nous, en fait, on est comme au Québec peut-être, et en même temps, ce qu'on se dit, nous, dans notre... Nous entendez-vous toujours, oui? Donc, c'est que il y a probablement, on peut facilement imaginer qu'il y a d'autres règlements que nous, on se fait imposer, qui sont violés, des droits fondamentaux qui ne sont pas respectés, et alors peut-être qu'il faut prendre ça avec un grain de sel, le fait qu'on contourne ou on a un certain petit règlement municipal qu'on ne piétine pas. Mais je suis d'accord, surtout qu'on dit c'est un lieu public, ces gens-là occupent un lieu public et empêche les gens du public de profiter du lieu. Moi, je voudrais ajouter que ce lieu-là n'a jamais été autant habité que maintenant. Il s'est jamais autant passé quelque chose que maintenant. Donc, voilà, le public est ici. C'est pas parce que c'est un public de manière pacifique et de manière tout à fait accueillante. Donc, je me dis, c'est pas parce que... Est-ce que c'est parce que c'est tel type de public qui occupe ces lieux-là qu'on se dit tout à coup, ah ben, il empêche d'autres mondes de venir? Surtout que, comme j'ai pu remarquer, qu'il était assez accueillant. Donc, Guylaine, vous étiez vous là ce matin quand ça a été démantelé ou vous étiez pas là? Vous êtes là par contre ici depuis un petit bout de temps? Oui, j'étais là ce matin tôt, mais je suis partie à 9h30. Je suis allée avec les gens du syndicat canadien de la fonction publique et on est allé chercher 6 litres de camp pour supporter le campement. Alors au moment où ils sont venus démanteler, nous étions absents. OK, donc vous étiez à remanteler autre chose. Exactement. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis très beau bénéficiaire. Où donc? À l'hôpital Laval. Je suis en congé cette année. Et qu'est-ce qui vous motive à participer à Occupons Québec? Je crois que c'est important que les gens commencent à s'occuper de leurs affaires. Moi, je dis Occupons Québec et occupons-nous de nos affaires. Je trouve ça stimulant de voir des gens qui spontanément se réunissent pour chercher des solutions et échanger. Et je suis venue dès le premier samedi et ça m'a donné le goût de revenir et à chaque fois, je rencontre de plus en plus de gens intéressants. Et qu'est-ce que vous avez à dire sur la qualité des échanges, sur le type de choses qui se disent quand vous êtes en période d'échange, là, comme vous disiez tout à l'heure, Julien, que c'était... Des conférences? C'était entre midi et demi. Ah, à chaque jour, on a des conférenciers vraiment de qualité, hein, que ce soit des gens, des organismes, comme l'organisme aujourd'hui, c'était pour rendre... un gars du conseil... Coalition pour l'abolition de la pauvreté. Voilà. Du quartier Saint-Sauveur, donc, mais sinon, on a eu différentes personnes, des bons des conférenciers intéressants, bien articulés, qui viennent nous traiter de différents sujets pour un peu comme l'éducation populaire, l'université du peuple, là. C'est un peu ça ressemble à ça, nos conférences, et c'est super intéressant chaque fois. Et malgré là, tout ce que disent les gros médias sur le mouvement se fait démanteler un peu partout, c'est terminé, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce que ça apporte ou sur ce que ça a apporté à Québec? Vous vous dites, occupons-nous nos affaires, est-ce que vous restez positive? Comment vous voyez ça? Oui, je crois que c'est positif. Ça a déjà fait naître plein de liens entre les gens. Et même si un jour on nous enlève les tentes, les liens vont rester. Il y a un début de dialogue, de discussion entre les gens. Puis là, je l'ai pas fait encore, mais je vais en jaser. Dans le temps de nos parents, chaque dimanche, ils allaient à la messe. Et en sortant de la messe, ils réglaient les affaires du village. De nos jours, on ne va plus à la messe. Et malheureusement, on ne va plus à la messe. Mais malheureusement, en perdant cette tradition-là, on a perdu la tradition de se réunir en concitoyens pour discuter des choses qui nous concernent. J'espère que ça va se faire renaître, ce mouvement-là. Et puis, est-ce que vous avez l'impression, c'est très beau, est-ce que vous avez l'impression que ce mouvement-là, est-ce que vous avez une sensation, justement, de renaissance, comme si on entrait dans une nouvelle ère? Ou... À chaque jour, il y a des nouvelles personnes qui viennent. Ça, c'est motivant. Des gens qui viennent pour toutes sortes de raisons et qui arrivent en nous disant, moi, aujourd'hui, c'est ça que j'ai entendu qui m'a donné la drive pour venir participer, pour venir vous rencontrer, venir ensemble. Ouais. Ça, c'est motivant. C'est ça, traiter des affaires du village, mais là, c'est traiter des affaires de notre ville. Christian, est-ce qu'il nous reste encore du temps? Ben Catherine, écoute, on a M. Bussière qui est prêt à réagir à ce qu'il vient d'entendre. Effectivement, on se fait des... On est très... Moi, personnellement, je suis très heureux de ce que j'entends. Je pense que l'allégorie de cette habitude du perron d'église, justement, qui s'est perdu, c'est une très bonne image. C'est une bonne leçon, peut-être, qui va porter à réflexion. Écoute, t'auras peut-être une dernière petite chose à nous dire, Catherine? Catherine? Pardon, quoi? T'auras une dernière petite chose à nous dire avant de partir, avant de quitter pour... Non, ça va, je vais vous laisser réagir là-dessus. On vous entend ici avec une merveilleuse automobile qui nous renvoie tout ce que vous dites, fait que on vous écoute. OK, c'est très bien. Alors ben on souhaite bonne chance à tout le monde qui sont sur les lieux présentement. Donc lâchez pas. Et puis ben merci beaucoup Catherine, on va se parler un petit peu plus tard avec d'autres invités de marque. Si tout se passe bien. Annick Papillon qui va être ici à 5h je suis de retour tantôt. Alors très bien, merci beaucoup Catherine. On se parle tout à l'heure avec Annick Papillon, députée du NPD pour le Québec Centre-ville. Donc voilà, ben écoutez monsieur Bussière, on a entendu toutes sortes de belles choses depuis les dernières secondes. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez de ce qu'on a entendu il y a quelques instants? Ben, en fait, lorsque une personne a dit « Occupons Québec, c'est occupons-nous de nos affaires », je pense que c'est une mobilisation puis une sensibilisation, comme je disais tout à l'heure, sociale, qui est importante parce que on vit dans un monde qui est de plus en plus individualiste. Et fait le parvis de l'Église qu'on parlait tout à l'heure, la place publique où on peut échanger, débattre. Écoutez, à l'époque des Grecs, lorsqu'on a créé la cité, le citoyen, le droit de cité, c'était le droit de participer aux décisions de la cité. Vous pouvez imaginer là sur une place publique tous ceux qui étaient considérés comme citoyens, ils exerçaient leur citoyenneté. C'était ça le début de la démocratie. C'est le peuple qui est le pouvoir au peuple. Donc c'est le peuple qui décidait du devenir de la collectivité ensemble. Ça fait que qu'ensemble on décide d'avoir une réflexion sur notre avenir comme collectivité, c'est sain. Et moi je pense que présentement c'est un phénomène qui est intéressant et qui va, comme on disait tout à l'heure, porter des fruits. Il y en a qui vont s'engager après ça peut-être dans d'autres mouvements ou des lieux de discussion pour donner notre petite contribution à changer le monde pour un monde plus solidaire. C'est facile, je pense, pour les banquiers ou pour la bourse de faire fructifier l'argent, mais c'est beaucoup plus difficile de faire fructifier la compassion et la solidarité. Et cette expérience qui se vit actuellement à Québec, qui je pense, regroupe toutes les classes sociales, est-ce qu'on doit, nous, la maintenir comme Ville de Québec ou donner un soutien technique? Et on dit que l'hôtel de ville, c'est la maison du peuple. Ben, en fait, il s'agirait qu'il y ait une délégation qui repose la question aux représentants, monsieur le maire. Monsieur Bussière, justement, parlons-en de cette procédure-là qui a eu lieu depuis les dernières semaines. Vous avez assisté à toutes les rencontres du conseil, évidemment. C'est votre rôle et votre devoir que vous faites, somme toute, depuis 19 ans. J'imagine très bien si vous êtes de retour depuis autant de temps. C'est une belle confiance des citoyens. Maintenant, expliquez-nous donc à quoi vous avez assisté, vous, au niveau du changement d'attitude de monsieur Labeaume face à ce mouvement qui occupe Québec. Parce que dès le départ, il s'était montré quand même assez ouvert et conciliant. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a changé tout d'un coup? Pourquoi son humeur a bougé? Ben dans un premier temps, mais le maire est comme ça, souvent, il saute dans la parade, puis après ça, il se retire de la parade. Mais il y en a pas moins que dans ce cas-là, il a dit, bon, ben, je suis d'accord avec la cause, écoutez, ça n'a pas de bon sens qu'un pour cent de l'humanité soit propriétaire de la planète. Il dit, Wall Street, il y a des choses à changer, bon, je suis d'accord avec le message. Le problème actuellement, mais après ça, il dit, d'un autre côté, moi, je suis maire, il y a des règlements municipaux, puis je dois les faire respecter. Mais en réalité, c'est que l'endroit où le campement est installé, où l'occupation se vit, je sais qu'au début, ils ont commencé à la place d'Auville, ils ont descendu par après s'installer à la place de l'Université du Québec à Saint-Roch. Mais c'est qu'on est sur le toit d'un stationnement. Il y a plusieurs années, il y a quelques années, on avait planté une tente et puis on a mis un piquet qui a été brisé la membrane, puis il y a eu de l'infiltration d'eau. C'est comme si on se mettait sur la toiture d'un immeuble à Québec, mais un immeuble à stationnement, parce que c'est un stationnement qui est en dessous. Est-ce que c'est le meilleur lieu? On pourrait pas mettre une grue sur cette place-là. Il y a des limites à du lieu même physique. D'accord. Donc c'est ça qui est critiqué en fait du côté du maire. Le maire, c'est qu'il y a eu une mise en demeure de s'il y avait eu des démarches. Bon, lui, comme administrateur, dit ben écoute, il y a des règlements, on va les faire, bon, les règlements sur la sécurité publique, etc. Mais écoutez, on est capable, je disais, on construit un hôtel de glace pour les touristes, on pourrait faire un hôtel de glace pour Occupons Québec, en fait, pour ce mouvement. Donc, excusez-moi, M. Bussière, donc, si je comprends bien, présentement, il y a eu c'est un propriétaire privé qui est sous ça, j'imagine, le stationnement appartient à quelqu'un? Oui, le souterrain appartient à Kevlar, mais la surface, le droit d'usage du parc appartient à la ville quand même. Donc, mais les dommages ont été faits à une possession privée. Oui, antérieurement, oui. C'est pour ça qu'il y a eu des règles de mettre des blocs de ciment pour mettre les tendeurs pour les tendre. Mais là, présentement, les indignés, Occupons Québec n'a pas brisé cette membrane. Non, c'est pas le cas du tout. Okay. Sauf qu'on y va avec les règles de sécurité, incendie, salubrité, en fait, toutes les règles. Mais écoutez, durant l'hiver, lorsqu'on a reçu le Jamboree des neiges, on a mis des tentes, puis on a eu des scouts du monde entier qui sont venus défoncer le millénaire avec nous autres. Qu'il y a toujours moyen de écoutez, moi, quand j'étais éducateur physique, j'ai fait des cours en plein air. J'ai déjà couché dehors 40-0 dans un abri de neige tout seul, dans une situation de survie, pour vivre des situations de survie. Mais pourquoi qu'on trouve pas un moyen d'avoir un lieu, si c'est la volonté du mouvement de créer une vigile, puis de garder le flambeau allumé sur le message? C'est le message. Et là, on est sur le contenu. On parle d'émantèlement de cuisine, etc. Mais en réalité, c'est quoi le message? Le message, c'est le phénomène par lequel des gens se regroupent pour faire prendre conscience dans la société d'une situation d'injustice, et on souhaite effectivement à un moment donné des changements, puis ils veulent y participer. Mais c'est extraordinaire. Il faut les aider. Voilà. Je comprends bien. Si on se fie, par exemple, à Occupons Montréal, où ça se passe relativement assez bien, parce que bon, pas de nouvelles, bonne nouvelle, hein. On a tout ce qu'on a, les échos qu'on a, c'est que ça la collaboration est bonne, ça augmente chaque jour au niveau des occupants qui sont là. Qu'est-ce qui pousse à ce moment-là le maire Labeaume, justement, à ne pas vouloir négocier avec ces citoyens-là? Si moi, par exemple, je vous dis mon opinion là-dessus, chers auditeurs, c'est que quand moi je vois Régis Labeaume, justement, qui permet qu'on occupe la Grande Allée pour la Marche Bleue, ça va, qui permet c'est OK qu'on manifeste pour tout, pour avoir les Nordiques l'amphithéâtre, parce que c'est du capital politique. Et là, tout d'un coup, on dirait que Occupons Québec, les Indiens, c'est comme devenu un mauvais rhume. C'est comme une roche dans le soulier, en fait. C'est comme si on marche avec une roche dans le soulier. On dirait que c'est rendu agaçant pour le maire. Qu'est-ce qui l'agace tant que ça? Parce que les gens qui sont là, c'est des gens qui ont le droit de vote. C'est des gens c'est des citoyens de Québec qui ont peut-être même porté jusqu'au pouvoir, hein, on s'entend. Donc, le maire de Québec, sans ces citoyens-là, il est maire de rien. Donc, on s'entend. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'agace tant que ça? C'est quoi ces motivations profondes à ne pas écouter, ne pas descendre, négocier, trouver un terrain d'entente avec ces gens-là pour justement qu'ils se mettent à l'écoute de cette démocratie qui l'a porté au pouvoir? Qu'est-ce qui, selon vous, le pousse à agir de cette façon-là, de façon aussi obstinée? Je pense que les sondages jouent. Vous avez vu cette semaine les sondages qui disaient, je pense, à 77% souhaitaient que décampement, d'enlever le campement, mais qu'on permettrait quand même une manifestation durant la journée, mais la nuit, on tourne chacun chez nous. Ben, les gens travaillent, en fait, c'est ça, l'affaire, ouais. C'est que c'est des travailleurs et des étudiants qui sont là. Les gens, ils gagnent leur vie quand même, ils éduquent leurs enfants, ils vont les chercher à la garderie, et c'est pour ça qu'ils sont là le soir, il y a une rotation qui se passe. Donc, les gens qui se disent, on va se débarrasser du problème en disant, ils pourront manifester, ben, ils pourront pas manifester. C'est des gens qui travaillent. Donc, encore une fois, un préjugé qui fait en sorte que les gens qui sont là, c'est tous des... Je sais pas c'est quoi que les gens ont en tête. En fait, là, mais... vous le dites, là, c'est que l'image publique que c'est que les gens qui manifestent, c'est des gens qui sont présentement soit sous l'aide sociale ou en fait qui ont des problèmes de santé mentale, qui sont itinérants. Mais c'est pas ça, là. Oui, puis il faut aussi que la personne qui est exclue soit... soit là aussi, dans le sens que c'est toutes les catégories, mais il faut qu'il y ait des gens d'affaires. S'il y avait, par exemple, un mouvement, là, on voit que Mme Papillon va être là tout à l'heure, on voit Mme Maltais est venue faire un tour, on voit des représentants syndicaux, mais bon, il faut pas non plus aller sur cette place-là pour faire de la récupération. Il faut y aller pour la cause du fait de dénoncer ce déséquilibre là, de 1% par rapport à 99%. Récupération, vous parlez de récupération de capital politique. Ben oui, politique, syndicale ou autre, là, parce qu'il y en a que... Moi, je reçois des courriels, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait été intimidé par un représentant syndical qui était là. Bon, ben, c'est possible qu'ils ont été là en soutien puis qu'ils ont manifesté contre, mais en réalité, il faut il faut croire là, que c'est une place publique, c'est un lieu pour exprimer un désir de changement, et puis il faut être capable de l'écouter. Mais l'image, c'est toujours l'image qui gère. L'image et puis la perception ont l'impression que c'est finalement des casseurs ou des... Mais non, il y a des étudiants de maîtrise, il y a des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, comme on a entendu tout à l'heure, ou d'autres qui vont sur la place pour manifester cet appui-là au mouvement. Et maintenant, M. Bussière, les solutions politiques qui peuvent être envisagées pour Occupons Québec, si finalement ils finissent par être complètement évincés, là, on peut voir que les indignés sont bien décidés à garder pied à terre là-bas. Ils l'ont démontré encore aujourd'hui en étant pacifiques, en faisant juste une résistance de présence, en fait. Et là, encore une fois, les autorités sont reparties et le camp est toujours debout. Maintenant, est-ce que vous avez des choses à proposer à ce moment-là à ces gens-là pour une poursuite là, du mouvement? Ben, ce que je proposerais, c'est que en Assemblée générale, je sais que c'est le samedi qu'ils ont leur Assemblée générale, qu'ils puissent planifier est-ce que c'est une occupation qu'ils souhaitent pour tout l'hiver, et puis si oui, mais à ce moment-là, quelle est l'ampleur de cette occupation-là, puis les besoins. Est-ce que, parce que pour les conférences, puis une sensibilisation, écoute, à 40 sous zéro, sur une chaise, sur la place publique, pas grand monde qui va rester là, mais est-ce qu'il n'y a pas des locaux, un endroit plus convenable pour les conférences qu'ils donnent ou autres? Est-ce que des collaborations avec des organismes existants ou avec même un service des loisirs communautaires à la ville, mais il faudrait qu'il y ait un plan de match, dire ben nous on veut occuper, on veut vraiment que cette vigile là soit permanente pour tout l'hiver, se donner une durée, et puis regarder la faisabilité avec les autorités municipales et arriver avec une demande claire d'aide, de soutien, mais aussi eux-mêmes peuvent devenir un mouvement qui se trouve eux-mêmes un local pour avoir ces lieux d'échange et de discussion. Puis à ce niveau-là, monsieur Bussière, est-ce que vous, en tant que conseiller municipal dans votre district, est-ce qu'il y aurait possibilité qu'il y ait une collaboration, que vous puissiez faire intervenir d'une façon ou d'une autre pour leur donner un coup de pouce, là, concrètement, là, au niveau de vos... Ben, concrètement, c'est que, pour clarifier la situation, c'est lorsqu'à un moment donné, on a dit, bon, on peut pas occuper parce que c'est pas un camping municipal, c'est un parc, puis c'est pas, on peut pas... C'est là que j'ai eu l'idée de l'hôtel de glace. C'est quand l'hôtel de glace est arrivé à Québec, il pouvait pas occuper le zoo, parce que le parc ne permettait pas une construction temporaire dans une durée de... Donc, on a changé le règlement pour que sur le parc qui est au zoo puisse avoir une installation temporaire hivernale sur une certaine durée. Mais en même temps, il y a d'autres terrains, dont le parc Saint-Sacrement. Je disais à la blague, finalement, au parc Saint-Sacrement, on pourrait mettre un établissement parce que le règlement le permet. C'est au niveau du règlement, parce que là, on va dire au parc Saint-Roch, le règlement ne le permet pas. Mais il y a d'autres endroits où le règlement le permet. Mais pourquoi on n'irait pas au parc Saint-Sacrement à ce moment-là? Ben, finalement, il faudrait de demander si on peut pas faire un campement là, mais ça pourrait être ailleurs, au parc Victoria. Puis vous savez, on suspend les règlements à l'occasion pour permettre le festival d'été, permettre... interdire le stationnement où j'étais réglementé. Des fois, on va suspendre les réglementations, que ce soit des différents secteurs, pour permettre une activité. Donc, on sans changer les règlements, on suspend l'occasion pour des... Donc, au bureau des grands événements, est-ce qu'on peut pas examiner ça avec les représentants du mouvement? Donc, il faudrait peut-être qu'il y ait une demande claire et de rencontrer aussi là où on pourrait accueillir la demande. Idéalement, on peut aussi l'adresser au conseil municipal lundi prochain dans un suite qui sera décidé demain à l'Assemblée générale, parce que la Maison du Peuple est toujours là. le maire peut recevoir les gens et demander effectivement quelque chose de clair, soit une réduction du campement ou le déplacer ou avoir des pour que le mouvement de réflexion se poursuive. Donc je pense que c'est important de s'asseoir et de tendre la main et puis de voir s'il n'y a pas possibilité d'avoir une contribution, puis pas d'y voir là juste des contestataires, c'est des gens qui manifestent une situation, ils demandent à une réflexion collective sur notre devenir. Donc moi je pense que c'est important que on soit de ce mouvement-là et ça peut on est tous impliqués dans ce mouvement-là. Ça veut pas dire que tout le monde va y aller. Ah, donc pour conclure, moi je pense que présentement ça va très bien dans le sens que le groupe est un groupe non violent. Vous savez, Gandhi a gagné sa cause par la non-violence, puis le jeûne d'une certaine manière. Ben écoutez, même le camp serait complètement dépouillé, puis il resterait juste un groupe avec leur présence sur la place 24 heures par jour, ben ça serait un message aussi clair. Monsieur Bussière, vous êtes pas le seul à être indépendant à la mairie de Québec présentement en tant que conseiller. On a en ligne avec nous une présence presque surprise. Madame Guérette, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Oui, merci beaucoup de votre présence dans l'émission. C'est très, très apprécié que ça me fait plaisir. Vous acceptiez notre rendez-vous. Donc, Madame Guérette, vous également, vous êtes conseillère municipale, Vieux-Québec, et votre district précisément, c'est lequel? Vieux-Québec, Montcalm. Alors, c'est la colline parlementaire, le Vieux-Québec, le Cap-Blanc, le quartier Montcalm. Très bien. Et bon, et vous aussi, vous avez montré une certaine sympathie envers le mouvement Occupons Québec. Oui. Et puis, à l'instar de votre collègue, M. Bussière, qui est avec moi présentement en studio, votre opinion sur ce mouvement-là et la façon dont on le traite présentement à la mairie de Québec? Oui. Ben écoutez, je pense que, d'abord, si je ne me trompe pas, là, il n'y a pas encore eu de dialogue entre le maire et les indignés. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit au conseil d'arrondissement. Ils sont venus lundi dernier. Alors, tout commence par un dialogue. T'sais? Si s'il n'y a même pas de possibilité que les indignés puissent s'asseoir avec le maire de Québec pour mieux faire comprendre leurs projets, leurs besoins, et que M. Labombe regarde ça avec ouverture pour essayer d'être créatif, puis de trouver une façon de faire pour répondre à la fois, peut-être pas nécessairement exactement comme les indignés le demandent, mais pour répondre quand même au mieux à leurs besoins, tout en respectant aussi un cadre que la ville peut mettre. Et c'est sûr que je déplore le fait qu'il n'y a même pas eu de dialogue. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça, mais tout commence là. Oui, effectivement, il y a un peu la sourde oreille du côté de Régis Labombe, mais Madame, Monsieur, pendant que je vous ai les deux en même temps à l'antenne, justement en tant qu'élu, en tant que conseiller municipal, je sais que votre voix est peut-être un peu moins forte que la grande équipe Labombe. Est assez minoritaire, voilà. Il n'y aura pas un moyen que vous, en tant que conseiller municipal, il n'y aura pas un outil, une façon de faire que vous pourriez. Il y a une façon de faire procédurale, c'est arriver avec un avis de proposition au conseil municipal qui oblige effectivement une réponse du conseil du comité exécutif sur une proposition claire. Donc, la seule chose qu'on pourrait faire lundi soir, c'est d'arriver avec un avis de proposition. Sachant la demande, je ne sais pas si Mme Guérette a reçu la requête du citoyen qui est venu au conseil d'arrondissement, qui était supposé faire connaître par écrit, par courriel, l'ensemble. Malheureusement, je ne l'ai pas reçu. Donc, s'il entend le message... Peut-être parce que, oui, il devrait parce qu'il me l'envoyer. Il parlait d'avoir d'électricité, claires, une roulotte, toilette. Bon, est-ce que ça prend un petit local? Bon, en fait, je pense que l'Assemblée, ça peut pas être l'initiative d'un seul individu aussi. Il faut vraiment que ce sujet soit discuté en Assemblée générale par le mouvement Occupons Québec demain pour que les indignés nous disent clairement ce qu'ils souhaiteraient là pour assurer cette vigile, s'ils souhaitent toujours en faire une, ce qu'ils souhaitent demeurer à cet endroit-là, mais et faire nous faire connaître leur requête, parce qu'on peut pas nous s'improviser puis dire penser pour eux non plus. Mais effectivement, quand vous demandez de moyens, le seul moyen qu'on a, nous, les indépendants, mais pas juste nous, même un membre d'équipe Labombe peut faire un avis de proposition. Il faut qu'elle soit appuyée pour être débattue, mais il peut l'initier sans appui. Elle va être étudiée et le comité exécutif va donner son rapport. Donc, on pourrait avoir une réponse officielle par écrit du comité exécutif ou de l'administration Labo. OK, donc si je... Je vais vous dire, je viens de vérifier, là, je l'ai reçu. J'ai reçu un courriel de M. Jonathan Durand-Folco, qui justement détaille. M. Bussard l'a bien, comme il vient de vous le dire, on peut s'engager à déposer un avis de proposition. Ce lundi, M. Bussard avait l'air à vouloir faire ça. Moi, je l'appuierai là-dedans. Je lui transmets immédiatement le courriel en question pour qu'on puisse rédiger quelque chose. Donc, si je comprends bien, pour avoir participé, moi, à de la démocratie dans les organismes communautaires et tout ça, ça prend un membre du conseil qui dépose et quelqu'un qui l'appuie, c'est bien ça, c'est pour ça. Que ça soit, pour que ce document-là soit monté jusqu'au comité exécutif et étudié. Oui, mais c'est dommage, vous savez, qu'on soit obligé d'aller jusque-là pour avoir une réponse du maire de Québec. D'accord, mais M. Bussière, vous n'étiez pas... Non, c'est que ça, c'est un droit fondamental pour tout élu. Tout élu peut apporter un avis de... même s'il n'y a pas d'appui. Mais là, il va recevoir une réponse de son avis de proposition par l'exécutif, mais pour